j'aimerais vous situer quand même cette question du travail à domicile ou du travail en général dans le cadre de mes enseignements et ma recherche, et sans faire une historique trop longue. J'ai commencé en 1970 à Toulouse le premier cours sur le travail des femmes. Je ne parle pas de travail féminin, bien évidemment, le travail des femmes. Et comme je ne voulais pas le mettre dans des women's studies, sachant qu'un jour ou l'autre, ça serait ghettoisé, il n'a jamais figuré nulle part dans les dictionnaires comme étant un travail sur les femmes, mais ce n'est pas grave, maintenant quand même. Donc, c'est dans ce cadre-là que très vite, en travaillant sur les statistiques, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable division sexuelle du travail. Et on a commencé, Martine Chaudron, qui faisait le même travail que moi, à Nantes, on a été les premières à utiliser cette notion de division sexuelle du travail, ce qui faisait hurler les autres sociologues. C'était comme si on usurpait une notion qui n'était que renvoyée au travail productif, au travail masculin, division sociale du travail. Oser parler de division. Moi, après, j'ai parlé de division sexuée du travail, qui est plus trop dans le enfin, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé la notion et toute la recherche sur division sexuelle du travail ou sexuée du travail, horizontale, découpage des activités, etc., et bien sûr verticale, la hiérarchie. Et dans la foulée, on a développé la notion, concept de rapports sociaux de sexe comme une notion d'ordre quasiment structurel qui organise les sexes sociaux entre eux. Il n'était pas du tout question de se bagarrer sur sexe et genre. Le sexe, il était forcément en partie physiologique, bien sûr, mais une construction sociale. Et ce qui était intéressant, c'était de voir le lien entre les deux. J'ai beaucoup travaillé sur le lien. Rapport signifie le lien. Et dans ce cadre-là, j'ai développé aussi la partie symbolique, que j'ai appelé la doxa de sexe, qui est essentielle pour comprendre la reproduction et l'historicité des rapports sociaux de sexe. Donc je vais très vite là pour situer un petit peu ce travail qui a été fait aussi dans le cadre de l'APR, l'atelier production et reproduction qui a été créé avec Daniel Cardoa, Dominique Fougerolas, etc., Martine Chaudron, dans les années 80-82. Et on a évidemment fait des cahiers qui n'ont évidemment pas été vraiment publiés, mais on a sorti quand même le sexe du travail, qui est quand même réalité maintenant, et qui est sorti sur Internet. Donc on peut récupérer ces textes-là. Alors, dans le cadre de cette proposition, je fais l'hypothèse que quand le travail est observé, filmé ou enregistré, il s'écrit toujours en tenant compte de trois composantes, de trois dimensions qui sont interreliées, le corps, l'espace et le temps. Et j'ai écrit un ouvrage là-dessus, l'expérience sociale du quotidien comme espace-temps. Ces trois catégories de la pratique, elles sont tout le temps, le corps est tout le temps situé dans l'espace et il est tout le temps pris dans différentes temporalités. Donc le temps est donc, si on veut observer le corps en écriture, il faut ouvrir assez largement le regard pour tenir compte du contexte, on appelle d'une autre façon contexte, c'est-à-dire où sommes-nous, comment la situation, elle signifie aussi quelque chose. Le corps n'est pas dégagé d'un contexte. Et tenir compte des différentes temporalités, d'exécution des tâches, de rythme, et plus largement de la journée de travail. Donc, je vais passer assez vite. Dans le développement de l'enseignement et de la recherche, j'avais commencé à travailler beaucoup sur le travail domestique dans les années 75-76. J'ai fait un film à cette époque-là, je pensais même peut-être le remonter pour l'apporter, mais bon, ça aurait été beaucoup trop long, pour montrer justement que le travail domestique, il était général à toutes les classes sociales pour les femmes. Donc j'avais filmé dans plusieurs lieux à travers la France, aussi bien des ouvrières que, entre guillemets, des bourgeoises, pour montrer qu'il s'agissait là d'un rapport social, avec des variantes, bien sûr, dans l'exécution, mais qu'on était dans un travail socialement utile. Donc je l'avais présenté au colloque de l'ACCESS, l'Association pour la critique des sciences économiques et sociales, ça me remonte à loin, 77, hein, à Jussieu, sur le procès de travail. Ça a été un tollé, bien sûr, hein, on ne supporte pas avec Pierre Goat, Fougérolas et d'autres. Comment le travail domestique, vous le considérez, vous le faites entrer, vous allez l'analyser comme un procès de travail, c'est pas pensable. Donc on a écrit un article à 7 quand même, qui est paru dans Sociologie du Travail en 79. Pendant 2 ans, on a travaillé à 7 pour écrire cet article. C'était quand même les grands moments forts du mouvement des femmes, où on pouvait se mobiliser pour travailler des objets complexes. Ce que je voudrais dire, c'est que cette ouverture sur le travail des femmes est allée à contre-courant de ce qu'étaient les objets de la sociologie du travail dominante à l'époque. J'ai écrit quelques textes là-dessus pour dire qu'il y avait une triple centralité. Il y avait une centralité sur la grande entreprise, il y avait une centralité sur le travail masculin, et il y avait une centralité sur une conception du temps, temps industriel, comme l'a étudié Thompson, remarquablement, temps horloge, comme on a parlé de Rossin, c'est-à-dire un temps linéaire, mesurable, additionnable, etc. Or, en examinant le travail des femmes, en particulier l'articulation du travail domestique avec le travail professionnel, on se rendait compte qu'on avait affaire à un temps d'une nature complètement différente. Que ce temps-là, il pouvait s'imbriquer, se superposer, s'étirer, qu'il était irrégulier, qu'il n'était pas additionnable. Donc toutes les études, budget, temps et tout ça, ça ne tenait pas la route. Le découpage en tâches et les questionnaires sur ça, ça ne tenait pas la route. Il fallait observer, etc. Et c'est de là que j'étais arrivée à la notion de charge mentale que j'ai développée dans un article de sociologie du travail à l'époque, en l'empruntant au cerveau de l'homme, pour dire que les femmes faisaient du management pour vivre et survivre une famille fabrique de l'organisation. Et cette organisation, c'est un vrai management. Il faudrait travailler aujourd'hui parce que sur ça. Je pense que c'est plus exactement pareil. Je crois que la charge mentale a augmenté, mais qu'il y a des savoir-faire qui ont énormément disparu. Perte de savoir-faire, etc. Remplacé par une marchandisation accrue, des flux technologiques qui rendent les familles très endettées. Enfin, il y aurait vraiment à réfléchir, c'est un bel objet de continuer de cette façon-là. Enfin, bon, à l'époque, on avait une charge mentale gestionnaire. Et là, les femmes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand elles sont, ça fait partie des raisons de leur crise de nerfs d'ailleurs, quand elles sont au travail, elles pensent à l'organisation de la maison. Tout le monde dit, mais il faut leur poser la question. C'est pas un questionnaire qu'on va avoir ça. Et puis observer, etc. Je ne développe pas pour dire que ces nouveaux objets, ils nous ont amenés aussi à entrer dans des nouveaux secteurs, y compris l'autre que l'automobile, et c'est là-dessus que je vais insister un petit peu par rapport à l'objet de notre séminaire, à développer de nouvelles méthodologies. On ne pouvait plus se contenter des statistiques, qui d'ailleurs ne tenaient pas toujours compte des hommes et des femmes, ou des questionnaires. Il fallait repartir à des données de pure première main, comme l'a dit aussi Daniel Carroac, partir de données de première main et les recueillir avec de nouveaux outils, et pas seulement les entretiens. C'est pourquoi je suis partie avec ma caméra aller voir comment ça se passait sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général. Donc quand je dis que le corps écrit, ça veut dire le corps signifie, le corps tout entier signifie. Alors, il va pouvoir, on ne supprime pas le discours, on ne supprime pas le langage langagier, il peut y avoir du langage, mais il y a une écriture, il y a un langage du corps, il y en a beaucoup qui ont travaillé là-dessus. Moi, je me suis beaucoup inspirée de la sémiologie de Roland Barthes, entre autres, mais pas seulement, les concepts, tout ça, bon, ça faisait travailler, puis il y avait une profusion d'idées à l'époque, on est dans les années fin 70, 80, enfin, et de l'école de Palo Alto, avec Gregory Bateson, qui disait le corps, on ne peut pas ne pas communiquer. Le corps signifie toujours. C'est très intéressant. Le corps montre toujours. Encore faut-il décoder. Encore faut-il décoder les signes, etc. Donc, il y a tout un travail de lecture de signes. Et quand on a une crise de nerfs, là, on a un signe, un signifiant. Quel est son signifié? Et quel va être le signe, le rapport entre signe et signe? Et il y a des systèmes d'interprétation qui rentrent en conflit. Là. On va avoir les psychologues, on va avoir le contremaître, on va avoir le médecin. Donc on peut faire jouer les systèmes de signification. Et en même temps, il faut être très clair sur la théorie de référence. Alors je dis, quand on a commencé à analyser quelque chose, il faut aussi être clair sur la théorie à laquelle je me réfère pour interpréter. Et construire nos catégories d'interprétation. Voilà, tout ça, ça peut paraître séductif, mais c'est quand même très intéressant d'y réfléchir. Alors, avant de passer les films, je voudrais dire, si vous voulez bien, quelques mots sur les contenus de l'écriture du travail. Donc, le corps écrit parce qu'il signifie. Et décoder donc quelque chose de la forme. On a parlé tout ce matin pour parler aussi un peu de la forme aussi. Qui est partie d'un capois aussi, la forme. Mais elle ne l'a pas montré comme une dimension à analyser. C'est pas seulement la forme littéraire, la forme du langage. Donc quand on s'adresse à des femmes qu'on regarde une certaine époque, dans un contexte, leur langage, la forme de la parole, là, c'est une... elle est intéressante à trouver. Quelle est la forme? Le langage local, les expressions, une langue du corps marquée par l'imprégnation des rapports sociaux. La langue, elle signifie les rapports sociaux. Là, il faut aller chercher, il faut décoder un peu plus à fond. Il y a quelque chose aussi dans la forme qui relève du plaisir. Je pense que vous verrez que ces dames qui ont des conditions assez difficiles, il y a un certain plaisir du travail bien fait, qui peut-être n'existe plus, qu'on ne donne plus les moyens de s'exprimer. Donc, comment ils s'expriment? La fierté, on en a parlé, la honte et la fierté, c'est le même continuum. Et les contenus. Alors, quelques mots sur les contenus, je ne vais pas trop déflorer, mais enfin, le corps, il y a la posture corporelle au poste de travail. J'ai remarqué que Karmitz, il gomme les gestes, il fait des gros plans sur le visage, c'est ce qu'ils vont montrer. Hein. Comment, mais si on ne voit pas les gestes, on ne comprend pas qu'est-ce qui va générer la fatigue, qu'est-ce qui va générer la rage, la rapidité des gestes, la cadence. Moi je me dis, mais est-ce qu'il va baisser sa caméra? J'ai envie de voir ses mains. J'ai envie de voir ses mains, ses gestes. On voit un petit peu qu'est-ce qu'il y a à côté. Mais c'est son objectif. C'est important de voir les gestes et tout ce qu'il y a autour, bon, les postures bien sûr, là on retrouve toutes les balles de Palo Alto. La dimension spatiale, alors le contexte, vous verrez, il y a très peu de choses quand même. Mais, bon, où sommes-nous, dans quel type de maison, dans quel environnement, dans le film, le second film que j'espère qu'on aura le temps de voir, qui est une série que j'ai... pu le réaliser en tant que conseillère scientifique avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Oui, oui, parce qu'ils avaient vu, c'était Thierry Garrel à l'époque, hein, qui avait la chaîne documentaire, qui avait vu mon petit film des Dames de qualité, donc vous allez voir un premier extrait, et qui a dit, bon, celle-là, on la prend avec nous, elle va nous aider. Et j'ai fait travailler les réalisateurs comme des étudiants, à aller sur le terrain, à faire des entretiens, etc. Et à imposer des dimensions. Vous aurez un plan sur l'espace, la région. Vous aurez un plan sur la maison. S'il y a un potager, vous le verrez, on comprendra pourquoi il y a un potager, etc. Et puis après, l'intérieur de la maison, l'organisation du poste de travail, où est-ce qu'on est. Et là, j'ai pu faire des différences tout à fait intéressantes entre les postes de travail des hommes et les postes de travail des femmes. Les femmes sont toujours à un poste de travail où elles voient l'ensemble de la maison, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu stratégique. Alors, on peut parler de stratégie. Guerrières presque, hein. Les enfants qui rentrent, etc. Alors que les hommes se mettent dans un atelier, dans un garage, et ils respectent, je vais assez vite, hein, les horaires du travail. Et ça, il faut être dedans pour le voir. Sinon, on dit combien d'heures vous travaillez, oui, 6 heures, 7 heures. On n'a rien vu, on n'a rien compris. Comment ils se mettent complètement à l'abri des injonctions du travail familial et domestique. Donc, important de voir le poste de travail et, si possible, tout l'enchaînement des activités. Et je ne sais plus qui a montré aussi qu'il y a une recomposition du travail. Alors que Madeleine Guilbert a travaillé un peu là-dessus, elle croyait de toute façon que le travail à domicile allait disparaître. Et que de toute façon c'était un travail répétitif et qu'il y avait une seule tâche. Rien à voir avec le travail télévisé en entreprise. On l'a vu avec un film. Au contraire, il y a une recomposition des tâches. Il y a une recomposition des tâches à domicile. L'organisation du travail, les autres tâches, etc. C'est peut-être là-dedans qu'il y a la fierté et qu'il y a le goût du travail. Et qu'il n'y a pas la crise de nerfs. Et puis la dimension temporelle, donc l'enchaînement, etc. Bon, les rythmes, les journées de travail. Donc vous voyez, je vais très très vite. Alors le premier film, il répond à une utilisation de l'audiovisuel. J'ai beaucoup écrit sur, et beaucoup réfléchi sur qu'est-ce que c'est cette méthodologie de l'image, qu'est-ce que c'est l'image. Deleuze dit l'image, c'est de la pensée, oui, mais à quelles conditions elle est de la pensée? Comment l'utiliser? Comment faire parler? Comment montrer? On ne démontre pas avec l'image. Donc il y a une recherche à la base. S'il n'y a pas de recherche, on fait une caméra qui bavarde et qui va. Ça ne veut pas dire qu'on réussit toujours son coup, mais vraiment, il faut savoir où on va, ce qu'on va regarder. Et Bachar disait, il faut savoir pour voir, bien sûr. Il faut savoir pour décoder, il faut savoir pour lire, pour regarder un bout de film aussi. On va vous passer. Alors.